porte dès qu'il te court. Depuis toujours, c'est une histoire d'amour. Frédérica ne met pas de mascara sur ses cils du bas, car elle n'en a pas. Cette fille-là est à toi, tu l'aimes et tu ne l'aimes pas. Cette fille-là est un cas dont j'ai brisé l'anonymat. Cette fille-là est à toi.